Livre cinquième. Ordre militaire de chevalerie. Chapitre premier. Chevalier de Malte. Il n'y a pas un beau souvenir, pas une belle institution dans les siècles modernes que le christianisme ne réclame. Les seuls temps poétiques de notre histoire, les temps chevaleresques, lui appartiennent encore. La vraie religion a le singulier mérite d'avoir créé parmi nous l'âge de la féerie et des enchantements. Monsieur de Sainte-Palais semble vouloir séparer la chevalerie militaire de la chevalerie religieuse, et tout invite au contraire à les confondre. Il ne croit pas qu'on puisse faire remonter l'institution de la première au-delà du XIe siècle. Or, c'est précisément l'époque des croisades qui donna naissance aux hospitaliers, aux templiers et à l'ordre teutonique. La loi formelle par laquelle la chevalerie militaire s'engageait à défendre la foi, la ressemblance de ces cérémonies avec celle des sacrements de l'Église, ses jeûnes, ses ablutions, ses confessions, ses prières, ses engagements monastiques, montre suffisamment que tous les chevaliers avaient la même origine religieuse. Enfin, le vœu de célibat, qui paraît établir une différence essentielle entre des héros chastes et des guerriers qui ne parlent que d'amour, n'est pas une chose qui doive arrêter. Car ce vœu n'était pas général dans les ordres militaires chrétiens. Les chevaliers de Saint-Jacques de l'Épée, en Espagne, pouvaient se marier. Et dans l'ordre de Malte, on est obligé de renoncer au lien conjugal qu'en passant aux dignités de l'ordre ou en entrant en jouissance de ses bénéfices. D'après l'abbé Giustiniani, ou sur le témoignage plus certain, mais moins agréable, du frère Elio, on trouve 30 ordres religieux militaires. 9 sous la règle de saint Basile, 14 sous celle de saint Augustin, et 7 attachés à l'institut de saint Benoît. Nous ne parlons que des principaux, à savoir les hospitaliers ou chevaliers de Malte en Orient, les teutoniques à l'Occident et au Nord, et les chevaliers de Calatrava, en y comprenant ceux d'Alcantara et de Saint-Jacques de l'Épée, au Midi de l'Europe. Si les historiens sont exacts, on peut compter encore plus de 28 autres ordres militaires qui, n'étant point soumis à des règles particulières, ne sont considérés que comme d'illustres confréries religieuses. Tels sont ces chevaliers du lion, du croissant, du dragon, de l'aigle blanche, du lys, du fer d'or, et ces chevalières de la hache, dont les noms rappellent les Roland, les Roger, les Renaud, les Clorinde, les Bradamante, et les prodiges de la table ronde. Quelques marchands d'Amalfi, dans le royaume de Naples, obtiennent de Romansor, calife d'Égypte, la permission de bâtir une église latine à Jérusalem. Ils y ajoutent un hôpital pour y recevoir les étrangers et les pèlerins. Gérard de Provence les gouverne. Les croisades commencent. Godefroy de Bouillon arrive. Il donne quelques terres aux nouveaux hospitaliers. Boyant Roger succède à Gérard. Raymond Dupuy à Roger. Dupuy prend le titre de grand maître, divise les hospitaliers en chevaliers pour assurer les chemins aux pèlerins et pour combattre les infidèles, en chapelains consacrés au service des autels et en frères servants qui devaient aussi prendre les armes. L'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Grèce qui, tour à tour ou toutes ensemble, viennent aborder au rivage de la Syrie, sont soutenus par les braves hospitaliers. Mais la fortune change sans changer la valeur. Saladin reprend Jérusalem. Acre ou Ptolémaïde est bientôt le seul port qui reste aux croisés en Palestine. On y voit réunis le roi de Jérusalem et de Chypre, le roi de Naples et de Sicile, le roi d'Arménie, le prince d'Antioche, le comte de Jaffa, le patriarche de Jérusalem, les chevaliers du Saint-Sépulcre, le légat du pape, le comte de Tripoli, le prince de Galilée, les templiers, les hospitaliers, les chevaliers teutoniques, ceux de Saint-Lazare, les vénitiens, les génois, les pisans, les florentins, le prince de Tarente et le duc d'Athènes. Tous ces princes, tous ces peuples, tous ces ordres, ont leurs quartiers séparés où ils vivent indépendants les uns des autres. En sorte, dit l'abbé Fleury, qu'il y avait 58 tribunaux qui jugeaient à mort. Le trouble ne tarda pas à se mettre parmi tant d'hommes de mœurs et d'intérêts divers. On en vient aux mains dans la ville. Charles d'Anjou et Hugues III, roi de Chypre, prétendant tous deux au royaume de Jérusalem, augmentent encore la confusion. Le Soudan Melek Messor profite de ces querelles intestines et s'avance avec une puissante armée, dans le dessein d'arracher aux croisés leur dernier refuge. Il est empoisonné par un de ses émirs en sortant d'Égypte. Mais avant d'expirer, il fait jurer à son fils de ne point donner de sépulture aux cendres paternelles qu'il n'ait fait tomber Ptolémaïde. Melek Séraph exécute la dernière volonté de son père. Acre est assiégé et emporté d'assaut le 18 de mai 1291. Des religieuses donnèrent alors un exemple effrayant de la chasteté chrétienne. Elles se mutilèrent le visage et furent trouvées dans cet état par les infidèles, qui en eurent horreur et les massacrèrent. Après la réduction de Ptolémaïde, les hospitaliers se retirèrent dans l'île de Chypre, où ils demeurèrent 18 ans. Rhodes, révolté contre Andronique, empereur d'Orient, appelle les Sarrasins dans ses murs. Villaret, grand maître des hospitaliers, obtient d'Andronique l'investiture de l'île, en cas qu'il puisse la soustraire aux joues des Mahométans. Ses chevaliers se couvrent de peaux de brebis et, se traînant sur les mains au milieu d'un troupeau, ils se glissent dans la ville pendant un épais brouillard, se saisissent d'une des portes, égorgent la garde et introduisent dans les murs le reste de l'armée chrétienne. 4 fois les Turcs essayent de reprendre l'île de Rhodes sur les chevaliers, et 4 fois ils sont repoussés. Au 3e effort, le siège de la ville dura 5 ans, et au 4e, Mahomet bâtit les murs avec 16 canons, d'un calibre tel qu'on n'en avait point encore vu en Europe. Ces mêmes chevaliers, à peine échappés à la puissance ottomane, en devinrent les protecteurs. Un prince Zizim, fils de ce Mahomet II, qui naguère foudroyait les remparts de Rhodes, implore le secours des chevaliers contre Bajazet, son frère, qu'il avait dépouillé de son héritage. Bajazet, qui craignait une guerre civile, se hâte de faire la paix avec l'ordre et consent à lui payer une certaine somme, tous les ans, pour la pension de Zizine. On vit alors, par un de ces jeux si communs de la fortune, un puissant empereur des Turcs tributaire de quelques hospitaliers chrétiens. Enfin, sous le grand maître Villiers de l'Isle-Adam, Soliman s'empare de Rhodes, après avoir perdu 100 000 hommes devant ses murs. Les chevaliers se retirent à Malte, que leur abandonne Charles Quint. Ils y sont attaqués de nouveau par les Turcs, mais leur courage les délivre, et ils restent paisibles possesseurs de l'île, sous le nom de laquelle ils sont encore connus aujourd'hui. Chapitre 2. Ordre teutonique. À l'autre extrémité de l'Europe, la chevalerie religieuse jetait les fondements de ces États qui sont devenus de puissants royaumes. L'ordre teutonique avait pris naissance pendant le premier siège d'Acre par les chrétiens, vers l'an 1190. Dans la suite, le duc de Massovie et de Pologne l'appela à la défense de ces États contre les incursions des Prussiens. Ceux-ci étaient des peuples barbares, qui sortaient de temps en temps de leurs forêts pour ravager les contrées voisines. Ils avaient réduit la province de Culm en une affreuse solitude et n'avaient laissé debout sur la Vistule que le seul château de Plotzko. Les chevaliers teutoniques, pénétrant peu à peu dans les bois de la Prusse, y bâtirent des forteresses. Les Varmiens, les Barthes, les Natangs subirent tour à tour le joug et la navigation des mers du Nord fut assurée. Les chevaliers de Porte-Glève, qui de leur côté avaient travaillé à la conquête des pays septentrionaux, en se réunissant aux chevaliers teutoniques, leur donnèrent une puissance vraiment royale. Les progrès de l'ordre furent cependant retardés par la division qui régna longtemps entre les chevaliers et les évêques de Livonie. Mais enfin, tout le nord de l'Europe s'étant soumis, Albert, marquis de Brandebourg, embrassa la doctrine de Luther, chassa les chevaliers de leur gouvernement et se rendit seul maître de la Prusse, qui prit alors le nom de Prusse ducale. Ce nouveau duché fut érigé en royaume en 1701, sous l'aïeul du grand Frédéric. Les restes de l'ordre teutonique subsistent encore en Allemagne, et c'est le prince Charles qui en est grand maître aujourd'hui.